3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, c'est le rendez-vous de tous les lundis sur KNF TV à The Knicks Week, le rendez-vous hebdomadaire où on parle dans la langue de Molière et sans gros mots, parce que les gros mots c'est interdit sur YouTube, du moins ça empêche de monétiser les vidéos. Vous avez de la chance, il n'y a pas de pub sur nos vidéos, donc même on peut y aller allègrement avec les gros mots. le grossier personnage, mais non, quand même pas, Choubix le Gaulois, Seb est avec moi aujourd'hui. Grossier personnage, pas du tout. J'espère que tu vas bien, que t'as quand même passé une bonne semaine. On a essayé en tout cas de passer une bonne semaine, même si les Knicks... hein. Bah, les gros mots là, disons que c'est pas ce qui m'a manqué là, tu vois. Pour, mais bon, non, on a passé une bonne flûte semaine. Flûte alors, mince, zut. Surtout que bon, voilà, quoi, je pense que vous avez pu le voir, on a eu l'occasion avec Joanie d'être au match à Paris, donc ça c'était cool. Mais pour nos petits Knicks, bon, bah, c'est un peu la soupe à la grimace quoi. Ah là là là là, on va envoyer du juron, je pense, on va envoyer du juron ou pas, on va essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous, programme interdit aux mineurs. Voilà, allez, on perd pas plus de temps, parce que comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à se raconter sur la planète Orange and Blue. Donc c'est parti, on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, il y avait pas mal de matchs, il y avait pas mal de choses, et la semaine dernière, elle commençait en principe plutôt pas trop mal, puisqu'elle commençait par la nomination de Jalen Brunson, oui, non pas All-Star, hein, ça c'est encore une autre histoire, on va y venir, mais en tant que joueur de la semaine, pas joueur du mois, joueur de la semaine à l'Est, avec un petit bilan, je crois, de 3-1 sur la semaine passée, et puis des belles, enfin sur la semaine d'avant, il y a deux semaines du coup, et des belles stats, hein, 34,8 points de moyenne, 50% à 3 points, 5,8 rebonds, 5 passes de moyenne, c'était un bon petit Jalen Brunson qui représentait les Knicks et qui était... on va dire honoré sur la conférence Est. J'avoue que je ne sais pas qui est ce qui est derrière ces désignations. Je ne sais pas si c'est un panel de coach, je ne sais pas si c'est la NBA. Je me pose la question là, c'est maintenant qu'on enregistre. On ne sait pas qui se cache derrière ces distinctions. Mais en tout cas, pour une fois, il y avait un Knickerbocker qui était à l'honneur. On pensait il y a quelques temps que Julius Randle aurait pu y prétendre. Ouais. Mais c'était la période où les grosses stars mettaient des cartons. Là, ça s'était un peu calmé, et Jalen Brunson, avec quelques belles séries de matchs, a eu cette distinction, donc ça c'était très bien, ça a fait plaisir, ça lançait bien la semaine, on pensait à de belles choses dans la semaine, bon, une distinction méritée tu penses Seb ? Ouais, la semaine était au top, hein, je veux dire... Il avait porté l'équipe avec deux fois voilà sur la semaine deux fois 34 points comme tu l'as dit même sur la défaite contre Milwaukee il avait fait une super performance avec 44 points donc non c'était mérité il fallait à un moment donné Julius l'avait raté sur notre série de 8 victoires c'était bien de marquer le coup en désignant quand même un Knicks en tant que joueur de la semaine surtout que c'était équipe en forme donc moi, je ne trouve pas de scandale là-dessus, quoi. Il n'y avait rien de honteux à tout ça. Et pour une fois, ça tombe sur un Knicks. Donc, on en est content, on en est fier. Au rayon de « on était content, on était fier », alors fier, pas forcément, mais content, du moins. On a pu, comme tu l'as dit tout à l'heure, assister au Paris Games Week. Alors, c'était Paris Games Week, c'était la semaine, mais c'était surtout un match. Donc non, on ne fait pas partie des influenceurs du net qui ont la chance d'être invités et de faire du courtside. Non, on n'a pas pu prendre la photo à côté de Aya Nakamura ou je ne sais qui d'autre. Voilà, mais on a eu l'occasion d'être parmi les très nombreux spectateurs. Et il n'y a pas que des influenceurs dans Bercy sur ce genre de match. Même si, oui, c'est sûr, les billets sont peut-être chers, peut-être compliqués à avoir, il y a plus de demandes que d'offres, mais c'était la fête du basket à Paris sur la semaine et sur cette journée du jeudi. Alors, comme tu l'as dit sur Twitter, l'affiche pour nous, bon, elle a porté un peu moins, même si c'est une rivalité historique, elle a perdu depuis quelques temps d'intérêt, Pistons-Bulls. Mais c'était l'occasion de voir des anciens Knickerbockers. On a vu Alec Burks, un peu dans ses œuvres. On Oui. a vu Kevin Knox, aussi dans ses œuvres, à savoir Cyril Bant. Le Ouais, pauvre, il a fait le honteux, déplacement, le scandaleux, jet lag, la le Fashion Week JNP comme peut-être. ça. Mais DNP, quoi, donc ouais, sale, sale. Pauvre Kevin Knox. On a entendu quelques supporters à un moment réclamer We want Kevin. Oui. Mais bon, visiblement, c'est pas arrivé aux oreilles du coach Casey. Un match où, à un moment, je te le faisais remarquer en tribune, et on regardait tout ça sur les stats en même temps. Il n'y avait que 9 joueurs dans les rotations. Comme quoi, ça n'arrive pas que du côté de New York. Hein. Et même pour un match qui se termine un petit peu en blowout sur la fin, bah voilà, le banc s'est ouvert très tardivement. Donc voilà. Donc ça permet aussi de relativiser des choses. Et puis, on a eu l'occasion de croiser un ancien de la maison Knicks, un certain Joakim Noah, avec qui j'ai eu la Oui. chance de pouvoir faire rapidement un petit selfie et lui glisser quelques petits mots La à l'oreille. Visiblement, petite Oh, voilà, punchline. il était là dans une bonne humeur, une bonne Oui. ambiance pour les fans au NBA House. Donc c'est aussi l'occasion, ce genre de rendez-vous, il faut savoir en profiter. On réalise pas forcément la chance qu'on a de pouvoir avoir des matchs de Oui. saison régulière en France de la NBA. Donc semble-t-il, 2024, ça va être de retour. On n'a pas encore d'informations sur l'affiche. On croise les doigts pour que ça soit les Knicks. Et si c'est les Knicks, comptez sur Knicks Nation France, l'association numéro 1 des supporters des Knicks francophones, d'essayer d'organiser quelque chose. On avait pu le faire sur le déplacement à Londres il y a quelques années. Donc voilà, si les Knicks reviennent en Europe, comptez sur nous pour essayer d'organiser quelque chose. Voilà, ça c'était la petite parenthèse de la semaine, une semaine dense chargée en actualité basket. On revient très vite sur ce qui s'est passé du côté de New York ou du côté de la NBA au sens large, avec bah, les retours, les troisièmes retours sur les votes pour le All-Star Game. Donc ça y est, c'est terminé, c'était jusqu'au 21 janvier. Maintenant, ils vont recompter les voix, faire les décomptes pour savoir qui est arrivé à quel niveau. Peut-être que dans les décomptes, ils vont retrouver des bulletins de vote pour Jalen Brunson, sait-on jamais, hein. On s'étonne de ne pas le voir, présent. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, il ne faisait pas partie des top 10. Julius Randle, oui. Les gens ont continué de voter pour Derrick Rose. Moi, je ne comprends pas trop, mais ça, voilà, ça me dépasse tout ça. Toi, Ah, tu trouves il a ça... une fanbase solide. Derrick Rose, oui, et Jalen Brunson, finalement très pauvre, ou pas très réactive, ou pas très présente. Voilà. Donc il va falloir compter sur les coachs pour essayer de rattraper le coup. À voir s'il y a au final des joueurs des Knicks. Ça va aussi dépendre de la forme de l'équipe en ce Ouais. moment. Voilà, on va y venir sur le sportif. On va y venir sur le sportif. Mais il y a eu aussi d'autres informations qui sont remontées voilà, cette mi-saison et un petit peu avant le All-Star Break. Et là, c'est au niveau business. Les affaires se portent bien pour New York, puisqu'elle se situe, l'équipe, les New York Knicks, dixième des franchises NBA sur les franchises à vendre le plus de merchandising. Alors, ce n'est pas des maillots de joueurs, puisqu'on n'a pas de joueurs placés dans le top 15. Hein. Allez savoir pourquoi. Peut-être que Jalen Brunson, son maillot qui n'est pas vraiment disponible sur les stores européens et mondiaux, ça doit jouer aussi, hein, parce que je pense que c'est un joueur qui a sa belle cote d'affection. Et j'espère, et je me croise les doigts encore, pouvoir trouver son petit jersey numéro 11 dans quelques Ouais. jours à New York City. Ça devrait le faire. Mais vrai, effectivement, chez nous, plus compliqué de le trouver. Hein, plus compliqué. Ça n'empêche que New York, voilà, c'est une franchise qui est toujours bankable et qui rapporte quelques milliers de dollars, je pense, dans les caisses de la Ligue. Bon, ça, voilà, on a parlé des petites choses plutôt réjouissantes, les choses qui sont moins réjouissantes. Et ben cette semaine, malheureusement, on a eu une blessure. Une blessure et pas la moindre des blessures, à savoir Mitchell Robinson, sorti très vite sur un match, et finalement blessure, fracture du doigt, opération et réévaluation dans 3 semaines. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle de la semaine passée. Mitchell Robinson, qui a une utilisation limitée sur l'utilisation offensive, ça on le sait, mais qui a un rôle et une importance primordiale sur la défense. Et malheureusement, le pauvre Mitchell Robinson, ça fait un paquet de blessures qu'il se traîne depuis le début de sa carrière. Est-ce que c'est un côté injury prone? À vous nous dire si on doit déjà le classer dans cette rubrique de joueurs fragiles. En tout cas, une fracture au doigt, bon, ça arrive, et puis c'est aussi signe d'un certain engagement de sa part. Après, c'est pas après pour un pivot, pour un pivot être blessé, c'est pas non plus déconnant, dans le sens où C'est des joueurs exposés. les Des gars, joueurs voilà, exposés. ils se bagarrent dans la peinture avec tout le monde, entre récupérer les rebonds, contrer, toujours être là pour contester. Donc bon, voilà, il a cette blessure au doigt. Pour contrer, ça n'a pas de problème pour revenir. Pour shooter, de toute façon, il prenait pas de shoot. Donc bon, quelque part, l'un dans l'autre. Mais après, voilà quoi, ça faisait quoi? À peu près 45 matchs depuis le début de la saison. Il n'avait pas été blessé jusqu'à présent. Il y avait Donc. eu une petite période d'absence, mais c'était pas très long, c'était 2-3 matchs, je crois. Ouais. Donc il en Là, est quoi à effectivement, 40, ça va être plus à long. 40 matchs joués. Il en est à 40 ma... enfin, il en était à 40 matchs joués. Donc bon, c'était plutôt pas mal pour l'instant. Donc il va falloir lui laisser le temps de revenir et serrer les dents, quoi. Serrer les dents et essayer de trouver des solutions. Bon, on va en parler après par rapport à ce qu'on a pu voir sur les matchs depuis qu'il est absent. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage. Ça va arriver au moment du All-Star Break. Donc voilà, sur ces 3 semaines à patienter, il y aura une semaine, on va dire, de All-Star Break. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va reprendre tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était la Bah, mauvaise nouvelle. on a Ça va 12 contrarier les matchs. plans sportifs et peut-être même d'autres plans qu'on aura l'occasion d'évoquer en seconde partie de l'émission. Donc, restez jusqu'au bout. On a 12 matchs jusqu'au All-Star Game, donc ouais, et Voilà. pas des En tout moindres, donc cas, il pourra pas aller jouer au All-Star Game. Hein, ça, c'est une certitude Ah, y maintenant. a pas ah, il va libérer un spot. Il va libérer un spot. Et puis on va arriver sur le sportif, mais avant un petit détour rapide sur l'arbitrage. L'arbitrage qui fait des fois grincer des dents. Alors voilà, les victoires, les défaites, et cette semaine, il y a eu quand même quelques défaites. Aïe aïe aïe. Tout n'est pas dû absolument à l'arbitrage, mais voilà, après retour, arrêt sur image, les dernières minutes où on regarde ce qui se passe, voilà, il y a des choses des fois qui sont un peu curieux au regard des Knicks. Les Knicks ne sont pas forcément, comment dire, toujours bien arbitrés. Il y a des contacts, et souvent des contacts dans la raquette qui leur sont pas donnés, des fautes qui leur sont pas données. Et forcément, il y a eu ce contact en fin de match sur le premier match de la semaine, le MLK Day, qui a fait parler. Les arrêts sur image font dire que bah oui, il y avait peut-être un N1 à donner. Est-ce que les Knicks, au global, hein, et puis on va aller sur les matchs, est-ce que les Knicks souffriraient pas un peu d'un problème d'arbitrage? Certains joueurs, Julius Randle aussi, qui prend des coups, mais bon, comme il est costaud, bah finalement, on laisse passer, on laisse couler, alors que sur des joueurs qui sont un peu plus frêles, bah voilà, on accorde un peu plus facilement des fautes. Est-ce que aussi ce manque de considération, parce que c'est pas des All-Stars confirmés, c'est pas des stars, ça joue en défaveur des Knicks, là où on a vu d'autres joueurs hériter de beaucoup, beaucoup de fautes, parfois de beaucoup, beaucoup de coups de sifflet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà, Moi, sur je. cet aspect? Est-ce qu'on est Moi, je. mal arbitré? Moi, je. Alors, je sais pas si on est mal arbitré. Ce que je sais déjà, c'est que cet arbitre en question, Scott Foster, est déjà beaucoup décrié par la Ligue, beaucoup décrié par des fans de d'autres franchises. C'est un arbitre qui a tendance à vouloir un peu prendre la lumière sur lui pendant les matchs. Et donc, en fait, ben, d'un coup, voilà, il va faire deux, trois dingueries. Donc, moi, enfin, cet arbitre, je sais que, il est. Enfin, pour ma part, il est insupportable. Qu'il y ait eu ou pas le sifflet sur RJ par la faute de Scotty Barnes, mais c'était sur d'autres matchs également, même d'autres équipes qu'on a pu voir. C'est un arbitre qui est qui voilà qui je comprends pas qu'ils soient encore dans la ligue ce gars-là quoi. Maintenant, sur les arbitrages, ouais, moi je sais pas. Je trouve que en fait. On demande aux équipes de défendre, mais on les punit de défendre. C'est-à-dire que des fois, en fait, les mecs restent droits. Le joueur offensif va au contact, c'est lui qui va au contact, et on siffle 9 fois sur 10, faute défensive. Mais sur plein de matchs, moi, je comprends pas. Les mecs, des fois, sont droits ou défendent, ils lèvent les bras et défendent. Le mec va au contact, on siffle. Je sais qu'il y a beaucoup de coups de sifflet, même sur d'autres matchs. Hein. Hier, je regardais comment Miami contre les Pelicans. Il y a des coups de sifflet, moi je trouve chelou. Et concernant les Knicks, nous voilà, parce qu'on regarde les matchs, on les décrypte. Il y a des fois, ben, on va avoir des coups de sifflet en faveur. des fois non. Et c'est vrai qu'on a tendance à retenir plus souvent les coups de sifflet qui sont contre nous. Forcément. Et je ne sais pas si on est mal arbitré, mais je sais que des fois, tu prends par exemple cette nuit, on a eu une faute flagrante sur Jalen Brunson. Alors, ok, elle y est, hein. Il part en contre-attaque, Elle y est, il il accroche les l'attrape. pieds, bon, Il n'y a pas de souci. mais elle y Et est. à côté de ça, t'as un Siakam qui met un énorme coup dans Pour les épaules découper, ouais. De Julius. Et là, même pas, il y a eu faute, quoi. Donc, bon, je sais pas. Là, on sait de toute façon que le problème de la NBA, c'est l'arbitrage. Ça fait depuis un moment que c'est comme ça. Et Même bon, je. si c'est compliqué qu'ils y travaillent, notamment sur les marchés, où il y a eu beaucoup de Oui. coups de sifflet cette saison, voilà, qui étaient un peu, qui ont surpris les joueurs. Et puis voilà, après c'est une question aussi d'équilibre. Est-ce que c'est arbitré de façon uniforme d'un match à l'autre? Mais voilà, en tout cas, bon, il y a des séquences. Alors oui, forcément, quand on perd, on va avoir tendance à reprendre ces coups de sifflet qui ont été pas en la faveur des Knicks, alors que indiscutablement après review ralenti, voilà, c'est des choses qui se sifflent très facilement. Donc voilà, donc effectivement, faut pas sortir l'excuse facile, l'argument d'un problème d'arbitrage, mais on peut se poser des questions et c'est récurrent sur certains matchs et Le c'est match récurrent sur certains contre joueurs. Toronto, qu'on perd en overtime, on en reparlera Ah après. là là. C'est pas C'est tant pas que sur sur ça que le. ça joue, mais C'est évident qu'un lancer franc à yeah. 0,6 seconde, ben, ça change tout. Mais c'est aussi peut-être les lancers francs d'avant qui auraient fait la différence. Donc bon, c'est sûr que. Y a ça aussi. On peut parler des fautes, mais il faut aussi qu'on parle des lancers francs. Les Knicks en ce moment, c'est encore très compliqué. On laisse beaucoup de points sur la ligne. Et ça, en fin de match, quand les matchs sont serrés, Eh pour une ouais. équipe qui a relativement peu de marge, eh ben ça compte. Eh ben ça compte. Donc effectivement, mettons pas tout sur le dos de l'arbitrage. Espérons qu'il y ait plus de considération sur certaines fautes. Posons-nous des questions aussi de savoir pourquoi des fois Julius est un petit peu ronchon, forcément, quand il se fait massacrer dans la Ah raquette ouais, des et fois il qu'il s'est n'a pas de coup de tabassé, hein. sifflet, au bout d'un moment, ça gonfle. Voilà. Bon, allez, on est reparti sur le coup d'œil dans le rétro sur les 4 matchs de la semaine. Donc, effectivement, une semaine qui commençait avec de l'optimisme de ton côté. Hein, on rappelle ton prono, tu étais plutôt sur un 3-1 cette semaine, la semaine dernière. Moi, j'étais sur un 2-2 avec d'abord une défaite sur le MLK Day. Bah écoute, sur le coup, j'ai eu raison. Ça s'est joué à pas grand-chose parce que c'est un match qui se joue sur du physique, sur l'intensité, qui se joue en prolongation, qui se joue, on l'a dit, sur un En coup de sifflet qui est peut-être un peu back-to-back. oublié. Sur un back-to-back tôt. Il y avait eu le match le dimanche, on Les va dire, trois. en il y avait la viewing party d'ailleurs, très tôt face à Détroit. Et puis après, un match très tôt, tant mieux pour nous Français, on avait du prime time, c'était plaisant. Mais du coup, c'était deux matchs relativement rapprochés. Donc merci la NBA pour ce calendrier-là. Ensuite, bah, Toronto, on l'avait dit, c'était une équipe qui est compliquée à jouer parce que des profils qui sont pas forcément à l'avantage de New York au niveau des match-up. Et on l'a vu, RJ Barrett a été dans la difficulté quand il fallait défendre sur du Scotty Barnes. Pascal Siakam, c'est toujours compliqué. Fred Van Fleet, eh ben c'est un match-up peut-être un peu en mode miroir avec Jalen Brunson. Et on a pu le voir doublement cette semaine puisqu'il y avait deux confrontations. Bah, c'était compliqué pour Jalen Brunson qui a perdu des ballons, qui n'était pas avec le rayonnement et on va dire la facilité qu'il peut avoir sur ces Et il a matchs-là. perdu beaucoup de ballons cette semaine, ouais. Je voulais Il en a perdu revenir beaucoup de après, ballons. je voulais en revenir après tout à l'heure sur les points. Je reviendrai après, mais oui, ouais. Il Moins, a perdu des moins. ballons et cette opposition, et eh ben voilà, j'ai l'impression de voir les deux mêmes joueurs jouer l'un face à l'autre et du coup bah ça a pas été à son avantage. Dommage parce qu'il aurait pu bien célébrer comment dire, ce titre de joueur de la semaine. Alors c'est un match qui se joue voilà où les Knicks sont un peu derrière mais ils reviennent, ils s'accrochent. Voilà, c'est au mental que ce match se joue. Il y a des coups de sifflet, on a dit un peu discutables. La faute oubliée sur RJ. Après, encore fallait-il mettre le lancer franc. En tout cas, on a tous sauté de nos canapés respectifs et on était voilà, en euphorie totale sur ce coast-to-coast en fin de match où RJ va égaliser à 0,6 secondes. C'était une action où il a pris ses responsabilités. C'était formidable. C'était formidable. Dommage, ça se joue à pas grand-chose. Il y a également la faute un peu plus tôt dans le match où c'est Quentin Grimes qui prend une flagrante et tout. Bon, voilà, ça c'est. Ces petits coups, ça se joue sur des détails, des lancers francs qui sont pas mis, là il aurait fallu les mettre. Inversement, je crois que c'est Scotty Barnes qui met pas, ou OG Anunoby, je sais plus, sur la toute dernière action là avant le C'est coast to Scotty Barnes. coast. C'est Scotty Barnes, c'est Scotty Barnes qui met pas ses lancers. S'il le Et met, bah heureusement qu'il ne le met voilà, pas, ouais. il n'y a pas ce coast to coast pour égaliser. Et puis en overtime, bah là les Knicks ont pas réussi. Alors est-ce que c'est le côté on est cramé, back to back, rotation à 9? Possiblement, ça joue forcément. Il y a de la tension aussi dans le match, mais il faut le rappeler. Jalen Brunson a le ballon pour égaliser ou gagner. Il a le ballon de la gagne. Il prend un shoot à 3 points à 3-4 secondes de la fin, enfin, du buzzer. Le ballon tape au fond de l'arceau, remonte et bah, il retombe pas Il faut le dedans, quoi. prendre, il Donc. faut le prendre ce tir. Pour moi, il faut le prendre ce tir. Il est à 40% sur la saison. On remonte, on a un back-to-back. Je pense que peut-être que les joueurs ont envie d'essayer de tuer le match. Ils n'ont pas envie peut-être d'essayer de repartir. Parce que quand j'ai entendu, ouais, regardez, Mitchell Robinson, il est tout seul. Ok, encore faut-il qu'il marque parce qu'il y a quand même la défense qui revient. Oui, mais il y avait un alley-oop. Va faire une passe en alley-oop de 6-7 mètres. Enfin, c'est pas évident. Surtout en cet état dans l'état avancé du match. Il est ouvert, il est en rythme, il arrive, il s'arrête, il bloque les appuis, il prend le tir, ça rentre pas. Enfin, voilà, C'est on peut un de ses pas. shoots, c'est un shoot, hein. Il est ouvert, il est pas. Alors oui, il est plus ou moins défendu, mais c'est un shoot qui est à prendre parce qu'il y a relativement peu de temps. Oui. Et tous les jours, entre guillemets, c'est à lui de le prendre parce que ça fait partie des patrons de l'équipe. Que ce soit lui, RJ a fait l'égalisation plus tôt. Julius n'était pas dans ce rythme-là pour avoir cette position de shoot. Donc en fin de match, quand on va dire ça se joue à une position, tu as du Julius, tu as du Jalen Brunson, tu as du RJ, à qui tu donnes le ballon? Bah, au mec ouvert, au mec qui a le plus, Oui, qui puis est, en on va fait, dire, dans la là, c'est meilleure sur une phase de transition en dynamique. plus. C'est sur une phase de Tout à transition. fait. On récupère le rebond, on remonte vite le Il ballon parce que récupère le rebond. oui, C'est Brunson qui parce récupère le rebond. que on Il n'a se pas le choix. faufile Le sur la temps, ligne. s'effrite. Donc, et par contre, Il n'y a plus de temps mort. Il n'y a je plus de voulais temps mort. revenir sur RJ Barrett. RJ Barrett très maladroit ce début de match. Il essayait de prendre des shoots de loin, ça marchait pas. À la mi-temps, il n'était pas au top. Beaucoup le décrivaient. Moi, voilà, je le décriais aussi. Hein, pardon, décrier. Et puis deuxième mi-temps, Master, il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein. C'est-à-dire que il a compris que le shoot de loin, il l'avait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher à l'intérieur, il est allé provoquer. Je veux dire, il a fait 11 lancers francs sur le match. Il est allé mettre ses petits flotteurs comme il sait faire là à mi-distance. En plus, il est long, donc c'est des trucs qu'il poste. Il arrive à mettre ses flotteurs, à finir au cercle. Mais, voilà, il a trouvé une autre alternative par rapport à sa maladresse. Et c'est lui qui nous a fait revenir dans le match, et lui qui nous a égalisé. Donc non, ça a été un super match pour lui, quoi. Donc Même pour le public, il faut le dire, c'était un super c'est une match parce que intelligence c'était de un jeu, match quoi. Il a accroché. compris et il a fait. C'est une intelligence de jeu. Il a compris que ça marcherait pas. Ok, bon, ben, je vais faire autre chose. Donc, enfin, bien joué Il à a lui. su s'ajuster au cours et au fil de la rencontre avec un beau temps d'utilisation parce que forcément, quand on arrive en prolongation, les minutes elles sont nombreuses. Mais effectivement, bah, c'était un beau match quand même, faut le dire. Même s'il y a la défaite au bout, c'était un match où il y a eu quand même voilà, du duel, il y a eu de la remontée, il y a eu du suspense, il y a eu des actions clutch. On a eu le Ça se petit joue à des cœur détails. C'est qui a dommage. battu fort, quoi. Oh oui, c'est dommage, moi je l'ai vu un petit peu en léger différé, mais effectivement, il y avait de quoi vibrer sur ce match. C'était un beau match, faut le dire. Il faut une belle opposition pour faire un beau match. Et bah, les Raptors, c'était une belle opposition. Malheureusement, ça a stoppé la série de victoires. Moi, j'y m'y attendais parce que je l'avais pronostiqué. Je me suis dit, voilà, je le sens pas bien, cette confrontation. Ils étaient pas loin de l'arracher et ça aurait été tout aussi méritable. Ils auraient tout aussi été méritants, pardon. Mais voilà, mais la semaine se démarrait pas très bien et elle a surtout mal continué. Derrière, enfin, déplacement, réception de Washington avec le retour de Bradley Beal. Bon, Bradley Beal, il s'est remis en rythme doucement. C'est pas lui qui a été le plus présent dans la rencontre, même s'il a réussi à mettre les paniers dont son équipe avait besoin quand il fallait. KP était en meilleure réussite que lorsqu'on l'a joué la première fois à Washington quelques jours avant, la semaine d'avant. Kyle Kuzma, pas encore bon, hein, Kyle Kuzma. Et puis finalement, les Knicks ont toujours été à la traîne sur ce match, ont très mal démarré. Et on n'a jamais eu l'impression qu'ils étaient réellement en capacité de raccrocher et de lutter pour la victoire. Donc là, c'était vraiment une déception sur ce match, parce qu'on n'a pas existé. On n'a jamais été dans le match, et on a toujours couru après le score, et on n'a jamais trouvé les solutions pour les freiner. Et là-dessus, ouais, déception sur cette rencontre. Je sais pas toi ce que t'en as pensé a posteriori, mais on s'attendait à le prendre facilement. On s'attendait pas spécialement à un retour de Bradley Beal. C'est pas Bradley Beal à proprement parler qui a fait la différence. C'est les Knicks qui sont passés à côté, surtout quoi. Moi, c'est ça que je retiens. Avec un Julius qui était pas en adresse en début de match. Qu'a shooté, mais ça rentre pas. Donc forcément, ça nous met tout de suite dans la difficulté. Plus de 35 points encaissés dans le premier quart. Bah après, tu cours après le score. Compliqué quoi de se mettre dans des situations comme ça face à un adversaire qui normalement est à la portée des Knicks et qui devait permettre justement de rebondir après la victoire un petit peu traumatisante, enfin la défaite un peu traumatisante sur le scénario de Toronto quoi. Donc là, c'était un faux pas. Là, il faut le dire, des Knicks sur cette rencontre-là. Bah, moi, je pense que déjà la blessure de Robinson a un peu changé tous les plans. Il se blesse assez tôt dans le match. Je veux dire, il fait 9 minutes. Donc, derrière, tu dois composer avec donc Sims et Hartenstein. Sims se retrouve avec beaucoup de minutes. Alors, c'est ça que j'ai du mal à comprendre un peu. C'est que lorsque l'équipe est au complet, hein, je parle au complet, tu te retrouves en fait avec un Sims qui ne joue pas. Et lorsque tu te retrouves avec un intérieur en moins. C'est lui le backup en fait. Alors c'est quand même un fait assez étonnant. C'est-à-dire que finalement le backup officiel de notre intérieur ne joue pas en règle générale lorsque l'équipe est au complet. Donc enfin, ça j'ai un Il y peu a j'ai un peut-être peu une du certaine forme de prise de conscience de Thibodeau que lorsqu'il veut de la défense, lorsqu'il veut du rim protection, c'est plutôt Sims qu'il faut mettre et qu'autrement, lorsqu'il faut entre guillemets apporter du jeu offensif avec la seconde unit, c'est plutôt Hartenstein. Mais Oh là, Hartenstein, ça enfin. fait quelques. J'essaye de trouver des explications. Non, Il c'est. faudrait qu'on appelle Tibbs pour savoir pourquoi ces rotations. En tout cas, on a pu le voir après. Effectivement, c'est Sims qui est maintenant titulaire, qui Bah est ouais. passé devant dans la rotation pour essayer d'apporter cette protection de cercle. Alors sur ce match, ça a été compliqué parce qu'on a perdu Mitch et puis parce que Sims s'est pris beaucoup de fautes, il s'est retrouvé en fallout à la fin. Ouais. Donc compliqué cette histoire et clairement oui, bah, quand on perd cette sécurité, ce verrou au niveau de la défense, aussi au niveau de la lutte au rebond, eh ben, avec l'apport de Mitch, c'est bien compliqué de pouvoir exister dans la rencontre, quoi. Donc, ouais, on a vu quand même Sims un petit peu gêner Bah ouais, KP, mais on a vu le aussi problème c'est que KP contrer Sims, quoi. le problème c'est que comme tu le soulignes, c'est que bon bah déjà on a un banc qui est beaucoup trop faible, hein, je veux dire, tu enlèves et là bon, on en reviendra dans quelques secondes. Si tu enlèves IQ du banc, ça devient tout de suite très compliqué le scoring. McBride avec toute la volonté du monde. Il rentre pas un shoot. C'est quelqu'un qui est trop irrégulier dans son shoot quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un match, il va être bien et puis tu vas en avoir deux, trois d'affilée, quatre où là en fait il y a rien qui rentre. Il est quand même un peu petit lorsqu'il doit s'enfader les arrières adverses. Si le mec est un peu long, ben, il se fait bouffer. Donc voilà, McBride est préféré à Derrick Rose pour sa défense. Mais d'ailleurs, offensivement, il propose rien. C'est-à-dire que même dans la création, tu pourrais te dire, il avait été bon l'année dernière, il avait fait un match à 11 passes, tu te rappelles? C'est-à-dire qu'on se disait, c'était un Un match. ancien. Ouais, mais c'était un mec en fait qui avait une formation ben, à la Charlie Ward, c'est-à-dire en quarterback, normalement, vision du jeu. C'est quelqu'un qui arrive à faire jouer. Et là, en fait, Il il est ne fait. plus utilisé quand même comme un second, Oui, comme. comme un poste Oui, 2 là. mais il a. C'est Quickley qui a la création quand les deux se retrouvent, on va dire, Je suis ensemble. d'accord, mais il lui arrive également de porter la balle. Il arrive également Bah en d'avoir le fait, ballon. est-ce qu'il faudrait mieux pas, entre guillemets, inverser, mettre McBride en meneur? Bon, Attends, voilà. attends, attends, bouge, attends. Et Quickley en poste 2 dans ces Attends, situations-là. bouge pas, j'appelle Thibodeau, je vais lui demander. Non, mais Suggérer un truc? Ouais. en fait, on aurait tellement de questions à poser à Thibodeau sur Il va beaucoup de falloir qu'on aille le choses. voir, hein, Tom Thibodeau. Il va falloir qu'on aille le voir. Vous faites le voyage là, essaye. Tibbs, Oh, Tibbs. Tom, coach, Change-moi tes Nets, rotations. Ouais, bon, peu de on se voit chance. après. Non, mais Peu de voilà, et chance. donc Donc le problème, c'est que quand on a un de nos trois starters, quand je parle de trois, c'est Randle, Brunson, Barrett, qui passe un petit peu au travers. Là, ce match, c'était Randle. Bah, tout de suite, ça devient hyper compliqué parce que on va compter sur la quinzaine de points De de Quickley. IQ, mais après, derrière, il n'y a plus rien. Et ça, c'est super compliqué. Donc voilà, après on a eu quand même une semaine relativement bonne de la part de Grimes. Ça, je veux dire, il fait ce qu'il peut, même si je trouve qu'en ce moment, défensivement, il est moins lucide. Alors, est-ce que, Il par prend des rapport à l'année fautes, il prend des dernière, fautes aussi. Il prend des est-ce que fautes. l'année dernière, il avait joué très peu? Est-ce que cette année, tu vois, c'est pas un peu sa vraie Un saison? rookie wall en décalage, quoi. Exactement, c'était exactement ce que je Bon, pensais. j'ai pas cette impression, mais il est pénalisé, et entre autres tout à l'heure on parlait de l'arbitrage. Voilà, il est très bon défensivement, il s'accroche à ses joueurs, c'est une sangsue, c'est très bien, mais il est pénalisé par les fautes aussi, et parfois ça le fait sortir assez vite en premier quart. Donc voilà, ça peut-être qu'aussi ça joue. En tout cas, bon, on va essayer de. Forcément, le banc est une source d'interrogation, d'inquiétude, et on espère qu'il y aura des mouvements. On va en parler dans la seconde partie de l'émission, donc ne bougez surtout pas. Il y avait encore deux autres matchs sur lesquels il faut quand même qu'on parle assez vite. Atlanta Hawks. On espérait un rebond, mais bon, là, déjà, on partait sans Mitchell Robinson. On sait que ça avait été compliqué en playoff, sans cette présence défensive dans la raquette. Ça a été compliqué. Alors ce match, il s'est joué sur un rythme un mode qui n'est clairement pas celui avec lequel les Knicks peuvent gagner. C'était un jeu d'attaque. Il n'y avait pas de défense des deux équipes dans Non, la première mi-temps. non. Les Knicks sont sortis avec, je sais plus, 70 points à la mi-temps. Ils étaient, voilà, présents, enfin, d'une courte tête devant les Hawks. Mais voilà, ça c'est clairement le rythme de Ouais, match on qui a ne fait va pas Lyon, à New York. ça nous a crevé. Enfin, ce match nous a crevé. On a fait Lyon trois quarts temps et le dernier quart, on explose. Et eux, voilà quoi, avec Murray qui marchait sur l'eau. Ça devenait trop compliqué, quoi. Donc, on y a cru pendant trois quarts temps, ça, on s'est accroché. Mais début quatrième, que quand ils sont revenus, quand ils sont passés devant, tu t'es dit, ça y est, c'est fini, quoi. On n'arrivera pas à revenir, c'est ce qui s'est passé. On n'est pas arrivé à Et puis repasser, à chez revenir. eux, et puis avec une belle dynamique de victoire les concernant, Ouais. voilà, il y avait pas forcément les ingrédients pour pouvoir lutter jusqu'au bout. Donc ça c'est dommage parce que on sait tout ce qui entoure les rencontres maintenant avec les Hawks. Donc voilà, encore une troisième défaite et pour finir la semaine dans la nuit de dimanche à lundi, retour au Canada, Toronto, bah ça s'est mal passé, hein, hein, ça s'est mal passé. Là, il nous manquait en plus de Mitch, il nous manquait IQ IQ. Ah ouais, ben là, c'était foutu, quoi. et on donnait peu cher de la peau des Knicks sur ce match. Ils se sont accrochés, hein. Ils ont réussi à revenir à égalité sur le troisième, à la fin du troisième quart-temps. Mais voilà, pareil, il y a deux. On est Y même a... passé devant. On est même passé devant. On a même mené. On a même mené, mais voilà, en tout cas, c'était compliqué. Alors, quelques petits soucis techniques, mais voilà, on va essayer de finir cette petite rétrospective. C'était trop compliqué. Julius a essayé de faire ce qu'il a pu. RJ était plutôt bon. Jalen Brunson en difficulté. On l'a dit sur les match-ups qui conviennent pas à New York. Et puis bah voilà, la quatrième défaite 4-0 cette semaine. Un bilan qui est toujours en positif, mais plutôt une septième place qu'une sixième. On n'a pas su profiter réellement des quelques faux pas des adversaires directs. Et puis on a perdu contre des adversaires directs cette semaine. Mauvais bilan. Il va falloir Et qu'on essaye de faire mieux sur les semaines à venir. sur ce match, si on peut revenir là dans les 5 prochaines minutes sur ce match, J'ai pas envie d'en reparler. c'est l'utilisation d'Obi, quoi. Expliquez-moi, expliquez-moi. Pour une fois qu'il Obi remettait des points en première mi-temps. Hein. a de l'adresse. On arrive à s'accrocher grâce à lui en première mi-temps. Je veux dire, on gagne le deuxième quart 31-25. Obi fait un 4 sur 5 à 3. Il finit la première mi-temps à 14 points. Et en deuxième, il joue 7 minutes. 7 bonnes minutes. Et deuxième mi-temps, il joue 3 minutes. Bisous. Rideau. C'est quoi l'histoire? Enfin, c'est quoi l'histoire? Et Et à puis il joue côté de trois ça. minutes, il joue ses 3 minutes en début de quatrième quart-temps, comme à chaque fois quand il y a des rotations, on met la seconde unité. Et par contre, il faut le dire, c'est en début de quatrième quart-temps que les Knicks explosent. se prennent faute sur faute et lancer sur lancer et marquent plus un point et l'écart se creuse à ce moment-là. Donc oui, effectivement, Obi, une utilisation très bizarre. Mais en même temps, c'est à ce moment-là aussi qu'on prend l'éclat et qu'on se fait larguer. Et à ce moment-là Bah ouais, aussi, mais quand. Thibodeau remet entre guillemets ses hommes forts, son starting Bah 5. ouais, mais tu joues avec Obi Hartenstein, c'est pas évident. T'as Evan aussi qui est là, et puis on sait très On bien l'a que. pas dit, Evan qui revient en remplacement de IQ. Il joue Bon. 21 minutes, il marque 8 points, puis 2 sur 7 à 3, Mais enfin c'est. au-delà des stats purs d'Evan, bon, il n'y avait pas d'adresse, ce qui peut se comprendre pour un Non. joueur qui a été benché pendant un moment, qui revient. Et. Mais il y a de la perte de ballon. Là, on a perdu énormément de ballons sur cette rencontre. Et Evan, à un moment, il fait la tortue, il finit sur le dos, on se demande pourquoi. Bon, Ouais, non, mais. l'équipe a pas été, a pas mis Sur les ce ingrédients qu'il fallait pour pouvoir. match, il y a pas mal de, voilà, il y a pas mal de questions à se poser, c'est-à-dire, même en règle générale, c'est-à-dire que tu te retrouves avec bon, bah, un Sims qui ne joue pas, mais qui se retrouve backup du pivot titulaire, soit. Tu te retrouves ensuite avec un Obi qui score, qui retrouve de l'adresse, et tu le fais pas jouer. Ok, pourquoi ne pas tenter, lorsque tu es en galère, un Randle Obi? De toute façon, Obi, il défendra pas moins bien qu'Hartenstein. Je veux dire, c'est. Et Omi va t'amener du scoring. Tente la chose. Et on se retrouve avec un Fournier qui se retrouve maintenant, boum, 21 minutes, quasiment le même temps que IQ. Non, mais c'est dingue. Ouais, Avec il le l'a même temps. remplacé. Ah ouais, il a pris, il a remplacé avec le même temps que IQ. Sauf que ben, le mec est en galère totale. Le type, dans sa tête, déjà, il a envie de se barrer. On le voit, il a essayé offensivement, mais il y a toujours ses errements défensifs. À côté de ça, ben voilà, fort, t'avais un Gary Trent Jr. qui était en feu, qui l'a bouffé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, il y a pas mal de choses là-dessus, Un sur ce match à match. oublier, un Et match à oublier, je vais te une dire. opposition à oublier. Et je vais te dire, c'est marrant parce que avant qu'on enregistre, j'ai regardé un petit peu ce que je me suis dit quand même cette semaine. Défensivement, on a été à la rue. Et ben ce match, il est à la moyenne du nombre de points qu'on a scoré sur cette semaine et du nombre de points qu'on a encaissé sur cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, on a marqué en moyenne 116 points et on en a encaissé 125. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup Le trop jeu pour espérer quoi que d'attaque ce n'est soit. pas le jeu qui fera gagner New York. Et bon, après, il y a le gros score face à Atlanta qui fait qu'on en a pris des valises. Mais effectivement, c'est par la défense que les Knicks peuvent s'en sortir et s'en sont sortis jusqu'à présent. Est-ce qu'on va réussir à la retrouver? Il va falloir que IQ revienne vite parce que Ouais, ça, il apporte des deux côtés du terrain. Mitch, c'est autre chose. il est primordial. Enfin, IQ et Mitch sont très importants dans notre système défensif. Offensivement, Mitch, il récupère quand même des rebonds. Il essaye quand il se bat. Hartenstein, on voit que c'est trop compliqué pour lui quand même. Enfin, les petits, Le pauvre. les sous le cercle qui ratent. Enfin, ok, enfin, je suis qui pour parler de ça? Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas un joueur de NBA. Le gars est payé pour ça, lui. C'est un vrai professionnel de NBA. Et le type, il arrive à rater des trucs. Enfin, mince, quoi. À un moment donné. Moi, je dis pas qu'il est nul, je dis qu'il performe pas. Et voilà, là, ça, c'est un fait. Je dis pas qu'il est nul, je dis qu'il est bon. En tout cas, Charles Smith a adoré son passage. Bon, bref, c'est un match à oublier, une semaine à oublier, 0-4. Par contre, il va falloir qu'on se concentre sur ce qui arrive. Ça Est-ce qu'on arrive va fort pouvoir derrière. se rattraper? Eh ben, on va regarder ça tout de suite dans le programme de la semaine à venir. Allez, c'est parti, on regarde les matchs qui attendent les Knicks cette semaine. Alors, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. On va passer d'une semaine de 4 matchs à une semaine de 3 matchs. Et je pense que c'est pas plus mal. Ça va peut-être un peu moins tirer sur les effectifs. Je ne sais pas. On va voir sur les. sur les. Bon, je trouve plus mon mot. Bref. Sur les corps. Et 3 matchs, mais pas n'importe lesquels, malheureusement. Si la semaine dernière, on pouvait être assez optimiste pour certains ou modéré pour d'autres dans les pronos, là, le pessimisme est de sortie. Beaucoup nous prédisent, ça y est, le calendrier va être dur et on va perdre tous nos matchs. Oh là là, c'est fini, la saison est finie, va falloir tanker. Bon, je suis pas sûr qu'on va tanker tout de suite. Peut-être qu'il y a des victoires, peut-être qu'il y a des défaites qui nous attendent, mais il va falloir s'accrocher au moins jusqu'au All-Star Break et puis on verra après pour la suite. En tout cas, j'espère voir quand même les Knicks gagner quelques matchs dans les semaines à venir. Ça serait Et vous sympa. comprendrez encore mieux pourquoi la semaine prochaine. Hein. Mais alors cette semaine, un match à domicile et deux matchs, ou du moins un match et demi à l'extérieur. Pourquoi un match et demi à l'extérieur? Parce qu'on commence d'abord par la réception de Donovan Mitchell. NHL et compagnie au Madison Square Garden dans la nuit de mardi à mercredi. La dernière fois, ça avait permis de relancer les Knicks. Oui, oui, la dernière fois que les Knicks ont accueilli les Cleveland Cavaliers, ils s'étaient imposés. Donc, sait-on jamais, sur un malentendu, allez, on relance une série de victoires. Quoi. Et on avait la série de 8 victoires. Je sais plus si c'était la série de 8, mais en tout cas, c'était une série. En tout cas, c'était parti de là. Je l'ai sous les yeux. À l'époque, les Cavs avaient très mal shooté, donc j'espère qu'ils vont mal shooter. Mais bon, Donovan 81 Mitchell, points, ils avaient scoré sur le match. 4. Voilà, un match improbable. Autant te dire qu'actuellement, on en encaisse 125. Il va falloir hausser le niveau défensif. Et avec Mitch en moins, je ne sais pas avec qui on va compter pour hausser le niveau défensif. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est le premier match de la semaine. C'est le nouvel an chinois qui sera célébré. Donc je ne sais pas. Peut-être que ça va porter chance aux Knicks. On verra. L'année de la lune, c'est ça ? Voilà. Je crois que c'est le lapin l'animal cette année. Non, ils appellent ça Lunar New Year. Donc je ne sais pas si c'est l'année de la lune. Il me semblait que c'était des animaux à la base, mais ouais, effectivement. Bah ouais, je crois. Bon, dites-nous en commentaire si vous êtes au courant quelle année c'est. Moi, je vois Lunar New Year, donc j'ai l'impression que c'est l'année de la Lune, mais c'est pas un animal. ensuite, déplacement, au Garden, mais à l'autre Garden, le TD Garden à Boston, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, c'est ça, jeudi à vendredi ou mercredi à jeudi ? Bref, vous regarderez, vous savez. Mais un déplacement qui va pas être évident. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais, c'est compliqué ce match parce que Boston, c'est actuellement le leader de la conférence Est. On les a rencontrés qu'une fois jusqu'à présent. C'était un peu plus tôt au début de la saison. Ça n'avait pas souri aux Knicks. Ils sont chauds. Je sais pas ce qu'il va falloir attendre. Ils sont très chauds. Et nous, on devient de plus en plus tiède. Et puis, quand je disais un match et demi, parce que derrière, ça sera déplacement dans la nuit de samedi à dimanche à Brooklyn, de l'autre côté du pont. Donc, c'est quasiment un match à domicile. Il y aura des fans d'Enix, en veux-tu, en voilà, dans les travées du Barclays Center. Il n'y a pas Kevin Durant. Est-ce que c'est l'occasion d'essayer d'enfin taper les Nets ? Ça fait un bon moment que les Knicks ne se sont pas imposés face aux Nets. Je ne vais pas regarder, je ne vais pas vous dire quand la dernière fois on s'est imposé, mais ça fait bien longtemps. On aurait bien besoin de cette victoire. Les Nets étaient, sur les matchs qui ont suivi l'absence de KD, plutôt dans un début de spirale de défaite. Ils se sont bien repris depuis. Ils ont toujours quelques talents individuels qui aident. Ils ont aussi un coach qui a remis un petit peu l'église au centre du village par rapport à leur équipe. Ils ont toujours un Ben Simmons qui des fois marque, des fois ne marque pas. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce gars-là. Mais voilà, ça va être une opposition forcément attendue. C'est peut-être le match le plus prenable de la semaine. On va mettre des guillemets autour de tout ça. La semaine dernière, je m'étais lancé sur le prono. Bon, voilà, toi, tu avais pronostiqué à côté. Là, on a trois matchs. Là, on a trois victoires, si on veut relancer. Trois matchs au programme. Je me lance en premier. Honneur aux gagnants. Honneur aux gagnants, j'étais plus proche que toi du résultat de la semaine dernière. Toi, tu étais sur un 3-1, moi j'étais sur un 2-2. Malheureusement, cette semaine, je la sens compliquée. Je vois une victoire, deux défaites. Et les deux défaites, ça sera plutôt les deux premiers matchs. Je nous vois gagner contre les Nets. Enfin, je nous vois gagner. Je ne sais pas si je nous vois vraiment, mais j'ai envie, j'espère fortement de tout mon cœur qu'on va s'imposer quand même face aux Nets. Ça me semble compliqué contre Cleveland parce que voilà, c'est pas un back-to-back. Ok, les joueurs vont pouvoir souffler. Mais Donovan Mitchell, qui s'était un peu loupé sur le match précédent, il aura peut-être à cœur de remettre les choses comme il faut. Ils sont aussi à la lutte sur les premières places et pourquoi pas un avantage du terrain, donc ils auront forcément envie de pas la laisser filer celle-là. La dernière fois, c'était surtout un souci d'adresse qu'ils avaient eu, on avait su en profiter. Est-ce que là, cette fois-ci, ça va être un peu plus serré et qu'on aura une belle adresse? Bon, j'ai du mal à avoir une victoire moi face aux Cavs ce coup-ci. Boston, si on va gagner à Boston, je oh. aura, hein, super, mais j'y crois pas trop. Ah ouais? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Et Brooklyn, c'est un match particulier. Kyrie va vouloir faire du Kyrie, mais il y a des matchs où il n'est pas aussi rayonnant que ça. Ou du moins, voilà, il joue peut-être un peu tout seul. Bon, bref, j'ai envie d'y croire. Un match accroché et une victoire enfin des Knicks sur le parquet des Nets. Il y aura sûrement Spike Lee de sortie cette fois-ci. Donc, bon, est-ce que ça va donner un supplément? On peut espérer que On va sortir Spike Lee. IQ revienne dans la semaine de toute façon. Je ne sais pas s'il sera de retour dès le match contre les Cavs. Voilà. Et puis, bah, Jalen Brunson, va falloir faire un gros match au Barclays Center aussi. Hein. Donc, voilà. Pour moi, ça serait une victoire, deux défaites. J'avais pas envie de pronostiquer un 0-3. Mais j'ai du mal à avoir beaucoup de victoires sur cette semaine, malheureusement, quoi. Et si on finit avec une victoire, deux défaites, on est encore en positif. Donc voilà, c'est tout ce que je demande. Alors toi, Seb, Alors, tu vois écoute, ça comment? alors par rapport aux tendances, je vais décrypter ce que je pense. C'est que moi, ben, je vois un 1-2. Donc moi, je vois une défaite et deux victoires. Oh! Eh oui. Eh oui. Prenez note. Ah, ça te l'a. Tu vois, j'ai fait exprès de la présenter comme ça pour te la Ça me couper. surprend. Eh oui. Alors, je t'explique. Les Cavs, sur leurs 10 derniers matchs, c'est du 5-5. Ça va, ça vient, ça flotte un peu. Ça a quand même un peu de mal, ça a quand même un peu de mal à l'extérieur. Là, bon, ils ont gagné les Bucks à la maison, mais ils étaient sur deux défaites d'affilée contre les Warriors et les Grizzlies. Bon, ils gagnent Qui peut contre se une. comprendre, qui peut se Ils, comprendre, c'est ouais, rien de honteux de perdre contre ces équipes, quoi. surtout qu'en plus, les Warriors, je crois qu'ils avaient le retour de Stephen Curry. Donc, bon. Ils ont une équipe qui peut gagner, mais qui peut perdre contre n'importe qui. Moi, Et je on est me. n'importe qui. Et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Donc, moi, je pense que on peut le prendre, ce match, surtout qu'on est à la maison. À un moment donné, il faut arrêter cette spirale. Ok, il nous Oui, manque bah Mitch. il faudra, oui. Ok, il nous manque Mitch. Ok, peut-être qu'il nous manquera IQ. Mais on a encore quand même de la qualité. Hein. On n'est Tu pas. n'as pas peur de leur perte d'intérieur? Leur période intérieure, évidemment, qu'elle va nous faire mal. Mais évidemment que ça va être un match accroché. Je ne te parle pas d'un blowout. Si on gagne sur un buzzer beater de plus 1, ça fait une victoire. Ça fait Donc, une victoire à la fin, ouais. ok, j'entends tout de suite les critiques, en effet. Les quatrièmes quarts, on n'est pas bon. Nos rotations, c'est pas ouf. Notre banc est pas dingue. Ils peuvent être en méforme aussi, eux. Donc là-dessus, je me dis qu'il y a moyen de l'emporter. Ensuite, le match Ah, contre attends, Boston. je me permets, mais je respecte Oui. ton pronostic. Je faisais tout à l'heure une petite intervention en disant, n'as-tu pas peur de leur part d'intérieur? Ils ont aussi un jeu qui est essentiellement basé sur leur backcourt. Donc voilà, les intérieurs rayonnants de la saison dernière, même s'ils sont encore très très talentueux, ne voient pas autant de ballons non plus que ce qu'on peut espérer. Donc ça peut jouer en l'avantage des Knicks, et même avec l'absence de Mitch, on peut-être résister à Hartenstein l'arrivée, Game, ça sera. l'armada, la cavalerie. Ça va être un Hartenstein Game. Je préfère un Sims Games sur le coup, mais D'accord. pourquoi Alors, pas, ok. si Hartenstein arrive à dépasser les 10 points sur un Sims, soir, un merci triple-double. quoi. Sims, Ouh. Prenez note. Non, non, non, non. Du rebond, pas trop de fautes. Et voilà, Oui. il a réussi à mieux gérer ses Oui. fautes. Donc espérons qu'il ne soit pas gêné là-dessus. Mais voilà. Non, non, non, Ok, alors. ok, ok, Voilà, ok. ensuite Boston. On note la Ensuite. victoire contre les Cavs. Donc Ensuite. dès le premier match, on saura si t'es qui de nous deux est bon sur les pronos. Ensuite. Eh, il faut se mouiller, il faut y aller. Il faut, Eh, il là. faut, il faut. Ensuite, Boston, on se fait éclater. Là, c'est Ah, je pensais que clair. t'allais nous dire, ouais, on gagne, allez. Non, Boston. Boston, on se fait éclater. Attends, Boston. Attends. En plus, le prochain match, ils jouent contre le Magic. Donc, ils vont se mettre en confiance. Ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 victoires. Enfin, 10, je mets le Magic déjà en win. Mais ils sont sur 9 victoires. Ah, ça va peut-être s'arrêter. Contre Ouais, Magic ou ok. contre Ouais. l'Enix? Ouais, peut-être pas. Peut-être que ni l'un ni l'autre. Grosse cote, grosse cote. En tout cas, si vous voulez Ouais. vraiment faire de l'argent, pariez sur l'Enix. Mettez pas trop, mais je Non. pense que la cote sera plus effectivement à l'avantage de 50 Boston. centimes, 50 centimes misés sur la victoire des Knicks, 5 000 euros en win. Voilà. La cote. Non, mais on le perd. Alors, je te parle un blowout, c'est pour faire le buzz, tu vois. Mais non, on va le perdre ce match, c'est pas photo. Enfin, moi, je ne vois pas le gagner. Même au complet, je ne vois pas le gagner du tout ce match. Et sait-on jamais, si Evan On joue là. Fournier se sort un grand soir, Pardon. Ok. On avait oublié ce petit facteur X. Voilà, et que Sims et que Artenstein nous met ces petits paniers Ouais, ça fait post-rebond. beaucoup de Bon, si. Ça fait beaucoup de ouais, il y si. a beaucoup de si. Donc, non, ce match, on le perd. Et Brooklyn, on sera piqué au vif. On va jouer à Brooklyn, ils vont vouloir nous insulter en nous disant, ouais, la vraie franchise, c'est nous. Enfin bref, tu connais la chanson. On l'emporte. On l'emporte à Brooklyn, ça suffit. En plus, il n'y a pas KD, c'est le moment. C'est le moment, quand je veux dire, il n'y a pas leur meilleur joueur. Ok, Irving, énorme. Mais il n'y a pas Durant. Faut le prendre ce match. En plus, voilà, on aura été blessé dans notre orgueil. IQ, je pense qu'il sera revenu d'ici là. On le prend ce match. Donc, ça fera victoire, défaite, victoire. On fait un 2-1. On est bien. Tu vois, ça nous amène à On 27 passe l'orage, victoires. quoi. 27 victoires, 24 défaites. On est bien. Voilà, on se maintient. Ok. Voilà. C'est couillu, hein. Bon, Je bah sais, hein. voilà, les C'est. pronos sont notés. On attend en commentaire vos pronos. Vous avez l'habitude de nous les donner aussi. Beaucoup vont nous dire 0-3, 0-3. C'est On verra, possible on aussi, hein, verra. je Mais veux dire. Hein. allez-y, notez dans vos pronos. Il faut pas Mais il avoir peur du faut. calendrier, hein. Il faut pas avoir peur du Mais. calendrier. Ouais, et les équipes, elles ont droit aussi en face de passer à côté. Je veux dire que Il peut y Donovan avoir des Mitchell, blessures et. il fasse brique sur brique. Enfin, n'importe quoi. Je veux dire. Ça fait beaucoup de si. Ça fait beaucoup de si. Je veux dire, si on part de ce principe-là, on gagne jamais aucun match. Il y a toujours des surprises dans une saison. Il y a des matchs, tu te dis merde, hein, tiens, lui, il a gagné. Eux, ils ont gagné contre eux. Tiens, c'est bizarre. Donc, bon, et pourquoi pas. Oh, bah tiens, les Knicks, ils ont gagné contre Cleveland. Donc voilà. Espérons, espérons. Après, les Knicks ne jouent pas si mal. Après, il faut qu'ils se reconcentrent sur Non. la défense. Ah ouais. Mais voilà, on n'est pas 6-7e de la conférence en ayant gagné que des matchs à coup de chance. Faut pas non plus Non, retirer ce qui a été bon et on dans n'a pas le premier affronté. début de saison des Knicks. On n'a pas affronté 25 fois Détroit, quoi. Donc. Non, que 4. Et tu sais que Toronto, alors fait les stats, hein, parce qu'ils sont juste pour un aparté, donc ils sont à 3-1 contre nous. Ils sont à 21 victoires. Ils auraient un bilan qui serait inférieur à celui de Washington s'ils n'avaient pas joué les Knicks, quoi. On leur a fait. C'est nous qui les maintenons en vie. On les maintient en vie. Mais bon, il se passera peut-être des choses du côté du Canada d'ici peu. Et justement, on a parlé match, mais il n'y a pas que l'actualité match qui nous préoccupe, qui nous intéresse. On se rapproche doucement mais sûrement de la trade deadline. Elle est pour le 9 février de cette année. On a vu les saisons précédentes que Léon Rose bougeait un petit peu avant. Bah, Ah. ça va être le moment, Léon, parce que là, tu vois et tu sais, et tout le monde te le dit, et ça se voit de plus en plus, que on manque de rotation au niveau du banc. On a un joueur qui n'a toujours pas rejoué, il s'appelle Cam Reddish. Cam Reddish, il est réapparu dans les rumeurs, enfin dans les rumeurs, dans les bruits de couloir. Semble-t-il, les Knicks voudraient s'en séparer contre un tour de draft, hein, même un second tour, Un allez, second peu tour. importe, prenez-le, qui en veut, qui en veut. Il y a eu une petite rumeur, enfin une rumeur, est-ce que c'est vraiment des rumeurs? En tout cas, il y a le nom de Reggie Bullock qui est réapparu. Donc un échange Reggie Bullock-Cam Reddish pour envoyer Cam Reddish du côté de Dallas, pourquoi pas? À voir s'ils arrivent à lui trouver de quoi l'exploiter. On sait que Dallas aime beaucoup les joueurs des Knicks, les anciens joueurs des Knicks, ils en ont une belle collection. Il y a bientôt plus d'anciens joueurs des Knicks à Dallas que à New York, À mais Détroit. voilà, donc ou à Détroit, donc voilà, à voir. Est-ce qu'à Reggie Bullock, toi tu serais favorable, tu verrais ça d'un bon oeil, même s'il n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière en ce moment à Dallas, tu accueillerais à bras ouverts Reggie Bullock Ben, déjà, il a laissé un beau souvenir chez nous. Donc, il nous quitte, on sort des playoffs sur une belle saison. Ensuite, on sait qu'il est Sixth compatible. Il amène de la défense, il amène du 3 points. Alors oui, actuellement, c'est pas son jeu, mais parce qu'aussi, on a un Doncic qui monopolise beaucoup le ballon. Il fait des passes, mais il monopolise aussi beaucoup le ballon. Il joue Peut-être qu'un beaucoup de jeu minutes, hein. des Knicks, ça lui convient mieux. Alors ok, on va me dire, ouais, mais regarde, notre jeu, il est fait qu'à base d'iso. Ok, mais il y avait quand même cette relation particulière entre Julius et Bullock. Je veux dire, c'est son C'est pote. un catch and shooter, Bullock. C'est Exact, pas voilà, c'est pas un exactement. joueur sur lequel on attend de la création Donc, comme un Cam Reddish ou un Evan Fournier. en sortie de banc, ça serait parfait. Ça serait parfait, ce type de joueur qui amène de la défense et qui amène du 3 points. Donc, Et de l'expérience. moi, je serais plutôt pour. Je sais que voilà, Tibbs était un peu dégoûté quand il était parti parce que lui, il aimait beaucoup, il aurait aimé le garder. On a préféré garder un Burks parce qu'il était plus sûr offensivement avec une palette d'offensive plus élargie. Moi, le trade, je le fais. Le trade, je le fais. Après, est-ce qu'il compte le faire? Est-ce que Dallas compte le faire? Ouais, il pourrait. Après, d'ailleurs, on entend un peu tout hein, sur Cam Reddish. On entend du Lakers, du Bucks, du Miami. Le profil intéresse toujours, mais est-ce que ces franchises-là auront de la matière à proposer à New York, la matière acceptable? Si on parle d'un second tour de draft, voilà, n'importe quelle équipe qui a plutôt des ambitions de post-saison aura ce contrat. Plutôt que son contrat pèse de rien, quoi. Il a un contrat, quoi, 5 millions la saison, donc c'est pas... Ouais, puis c'est entre guillemets... après, c'est se démunir d'un tour de draft, d'un second tour de draft, pourquoi pas. Mais pas de garantie non plus de conserver Cam Reddish à l'issue de cette saison. On a donné un premier, nous, hein. On a donné un premier, mais premier protégé, et on a donné Kevin Knox. Donc la valeur marchande est en train de diminuer. On a perdu le trade. Je ne sais pas si Atlanta l'a réellement gagné non plus. Kevin Knox, on a vu ce qu'il est devenu, le pauvre. Bref. Mais voilà, en tout cas, c'est un nom qui fait toujours discuter. Clairement, son potentiel méritait d'être utilisé un peu plus. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses. Il y a eu les échos à plusieurs moments, comme quoi il y avait des demandes de trade. Lui a toujours démenti. Mais on sait aussi que l'ami Cam Reddish, il est dans l'agence clutch de chez LeBron James et compagnie. Voilà, le front office, c'est plutôt CIA. C'est le front office qui le fait venir, mais est-ce qu'il n'y a pas des tensions internes aussi vis-à-vis de sa situation? Il n'est pas satisfait, on peut le comprendre. Face à ça, face à un joueur qui a peut-être exprimé en interne vouloir partir, est-ce que Tom Thibodeau va continuer de le développer, donner du temps de jeu plutôt que donner du temps de jeu à du Grimes, à du Quickley? Bon, il a peut-être fait l'impasse assez tôt, trop tôt. On se prive d'un joueur, mais voilà, on a pas réglé cette situation et c'est dommage. Après, l'ami Reddish, il a des prétentions. Mais encore faut-il pouvoir les assumer, ces prétentions. Alors, attention, tu t'es mis à dos les gens par rapport à Melo la semaine dernière. Tu sais que la fanbase de Cam Reddish, elle est encore importante. Alors, les gens ont des espérances sur Cam Reddish. Je dis pas à Cam Reddish, il pourrait vraiment nous servir dans la seconde unit. Je suis d'accord avec ça. Il pourrait avoir des minutes en sortie de banc. Je suis d'accord avec ça. Ça pourrait faire un très bon remplaçant. Le gars, il a un physique. En soir de... C'est un McBride offensif. C'est un soir, il peut mettre dedans. Comme je dis, c'est le joueur frustrant par excellence. C'est-à-dire qu'un soir, il va te montrer et tu vas te dire waouh, ouais, c'est carrément ça qu'il nous faut. Et tu vas voir un autre soir, il va tout rater, il va prendre des shoots bizarres dans sa section de tir. Et tu vas te dire non, mais attends, c'est pas possible. Mais ce manque de régularité qui fait que il n'a pas confirmé les espoirs jusqu'à présent. Mais je dis que ça pourrait très bien nous servir d'un backup. Et quand je dis juste qu'il a des prétentions et qu'après, il faut les assumer, c'est pas un titulaire, Cambridge. C'est pas un titulaire, c'est un backup, c'est un remplaçant, c'est pas un titulaire. C'est en ça que je disais qu'il a des prétentions, mais s'il te plaît, Cam, regarde un peu ce que tu produis depuis maintenant 4 ans. Tu ne peux pas dire l'équipe elle va tourner autour de moi. Non, c'est pas possible. Déjà, si tu as 12 minutes, 15 minutes à la sortie de banc, c'est bien. Donc, moi, je pense qu'on aurait pu s'en servir comme ça. Je ne sais pas, comme tu dis, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu aussi des mots avec Tibbs? Est-ce qu'il y a eu des mots en disant une remise en question, tu vois, qu'il aurait dit au coach, une remise en question? Je ne sais pas, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, ce gars-là ne joue pas, ce gars-là va partir. C'est gâché, ça a été un trade gâché. Maintenant, il faut l'accepter, il faut arrêter de parler en disant « Ouais, mais Cam… » Non, Cam, vous le savez, c'est fini. Cam, il n'y a plus d'avenir chez nous. C'est comme, je ne sais pas si tu comptes en parler, de ce qu'on peut lire ici ou là, sur le secteur intérieur. Juste pour finir sur Cam, et après on va parler du secteur intérieur parce qu'il faut aussi qu'on en parle. Oui, Cam Reddish, tu l'as dit, c'est pas un titulaire, ça ne l'était pas à Atlanta. Il a exprimé un souhait de vouloir partir d'Atlanta parce qu'il aspirait à plus. Tu l'as dit, c'est un talent offensif. C'est difficile de le faire cohabiter à côté d'un Julius Randle, d'un Jalen Brunson et d'un R.J. Barrett, même si... voilà, c'est plus frais, c'est plus un joueur moderne parce qu'il y a cette mobilité, ce profil. Et comme tu le dis, peut-être que voilà, quand on lui a dit, bah écoute, maintenant que Quentin Grimes est arrivé, on va vouloir le développer lui plus que toi. Toi, éventuellement, tu peux avoir une place sur le banc en rotation, 12, 15 minutes, on verra. Ça lui a peut-être pas convenu, parce que voilà, il a goûté, il a eu un moment l'occasion de goûter les passages dans la starting five quand il y a eu des blessures en début de saison, et il a été relativement bon, même s'il y a eu des, wow, des hauts et des bas. Ouais. Mais voilà, c'est un joueur qui a la capacité de défendre parce qu'il a un profil polyvalent, long, et c'est ce qu'on a vu typiquement face à Toronto, toute cette armada d'ailiers, d'ailiers long-jilling. S'il avait un rôle à la Chris Boucher, voilà, toute proportion gardée par rapport à la hauteur du garçon, mais voilà, ça pouvait pourquoi pas trouver une place dans la rotation. Ça aurait pu être un moteur... Plus. Il veut sûrement plus parce qu'il est aussi en fin de contrat et que et voilà, un moteur, il voit que le temps passe. Quoi. Un moteur, ça aurait pu vraiment être un moteur avec IQ, la seconde unit. Quoi. Voilà. Et à l'heure où on manque de points venant du banc, je pense qu'il en aurait été totalement capable en sortie de main de nous marquer sa douzaine de points, 10-12 points. Et ça aurait été avec IQ qui en amène 15, entre 15 et 18. Je ne sais plus quel insider, c'est pas Begley, est-ce que c'est Bondy ou un autre, un insider new-yorkais qui disait « Bon, je vous dis, j'ai pas envie de vous dire, mais c'est pas Begley, mais c'est celui-là, ouais. » Ouais. Il y a eu, voilà, il, semble-t-il, il y a eu des choses, et on peut comprendre que ça génère des tensions aussi, parce que voilà, la logique, surtout Kay, typiquement, tu le fais jouer ce joueur, tu l'utilises, tu fais pas passer un Miles McBride devant. Donc il y a eu des choses... Et voilà, on attend juste la fin de cette histoire de pouvoir vous dire, youhou, ça y est, le trade de Cam Reddish est fait, contre qui, contre quoi. Voilà, là, c'est histoire de ne pas perdre quelque chose. Mais voilà, après la deadline, on s'attend plus, lui, à le retrouver à New York. Un, pour son bien. Deux, pour aussi la sérénité de l'équipe. Oui, je pense qu'on va récupérer quelque chose, voir un Reggie Bullock, ça serait parfait. Ça serait parfait. Mais voilà, donc ça, c'est le gros dossier Cam Reddish. Que va-t-il se passer d'ici le 9 février? On verra s'il se passe quelque chose avant qu'on parte à New York. Il y a le secteur intérieur. Que va-t-il se passer aussi sur le secteur intérieur? Mitch Robinson, maintenant qui est sur la touche, est-ce que ça ne va pas contrarier des plans? Il y avait pourquoi pas des volontés, enfin du moins de la fanbase, de voir Hartenstein partir parce qu'il ne donne pas réellement satisfaction. Ah ouais. On voit que Sims est passé devant. Je l'amène à l'aéroport. Rotation. Tout le monde amène à l'aéroport. Voilà, même LaGuardia ou que sais-je. mais maintenant, avec Mitch sur la touche, ça va peut-être faire revoir les plans parce qu'on ne va pas jouer avec un seul pivot. On n'a pas vu pour le moment le retour du mode small ball avec Obi et Julius, ou très peu. Est-ce qu'il va falloir aller chercher un autre pivot d'ici la trade deadline? Ça parlait pourquoi pas de Ibaka, à un moment il y avait la piste Miles Turner, mais elle date de je ne sais quand, à vrai dire, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé cette piste. Il faut être réaliste, Miles Turner. Non, mais alors, avant de mettre les noms et les noms, est-ce qu'il faut, oui ou non, aller chercher un pivot pour passer cette plus ou moins longue période essayer de s'accrocher au play-off, La raison te dit oui, la réalité ça va être non. C'est-à-dire que là, quoi, comment, ben, la raison, Hartenstein, c'est voilà, Isaiah, c'est Léon Rose qui est allé le chercher, c'est lui un client CIA. T'en fais souvent référence, mais c'est sclérosé. À côté de, donc tu as ce mec là donc on est allé le chercher, pardon, on l'a fait signer 15 millions la saison, je crois que c'est ça. Non, 10. C'est une dizaine de millions, non? Limite, c'est pas peu importe c'est le montant, mais on a été le chercher cet été, quoi. Voilà, on a été le chercher. Mitch, ça va être un mois d'absence, un mois et demi, grand max. Tu vas pas aller chercher un Miles Turner pour... Ok, d'accord, ça va être ton titulaire pendant cette période-là. Et quand Mitch revient, tu fais quoi? Donc, Mitch, il a été plutôt bon jusqu'à présent. Hein. Je veux dire, il a fait, quand même, il a fait ce qu'on lui a demandé. Tu l'as re-signé cet été quand même pour un joli petit montant, qui est acceptable, plutôt un bon contrat. Et donc là, tu vas lui dire, tu vas lui taper sur l'épaule et tu vas lui dire, bon, par contre, maintenant, t'es remplaçant. Bon, tu lui pètes le moral, c'est bien. Et sinon, tu vas chercher donc un Miles Turner. Il lui reste 4 mois de contrat. Donc, tu vas mettre des assets dessus pour aller le chercher. Pour qu'à l'arrivée de Robinson, tu lui dises tes backups. Donc là, le gars, il te regarde, il rigole. Et il te dit, bon, en juin, ciao. Donc, à quel Miles Turner, ça n'a aucun sens. Aucun. Ou alors, tu l'échanges contre Robinson. Ok, dans ces cas-là, je te dis ok. Ça sera bizarre, mais je te dis ok. Mais ouais. Sinon, Miles Turner, ça n'a aucun sens. Ibaka, pourquoi pas, il est vieux, mais il a une super expérience. Il peut jouer poste 4, enfin même si c'est plus un 4 dans le jeu moderne, mais... C'est un mec assez dur, qui prend du rebond, qui défend. Défenseur. Ouais. Donc, voilà, Ibaka, pourquoi pas, mais je pense que le front office se dit, on serre les dents, on fait pour l'instant avec Hartenstein, Sims, ça fait ce que ça fait, et il va y avoir, là, il nous reste une douzaine de matchs, il va y avoir une semaine de repos, Mitchell Robinson sera peut-être de retour d'ici là. Pas d'urgence, les gars, on reste comme ça. Donc pour toi, on reste avec ces trois intérieurs. Voilà, ça c'était le prono de Seb vis-à-vis de la trade deadline. Et toi, tu en penses quoi? Moi, j'en pense que j'aurais déjà bien fait partir Hartenstein, mais que c'est compliqué au regard du fait qu'on l'a fait arriver cet été, qu'il est signé chez qui vous savez, et que maintenant, avec la blessure de Mitch, bah non, c'est pas le moment de le faire, quoi. Autant Mitch serait resté et se serait pas blessé. Ouais, voilà, ça pouvait s'étudier contre un profil de je ne sais qui, pour libérer une place, pour libérer un spot. Ça peut intéresser des équipes, c'est un intérieur de backup. Mais voilà, là, je pense que le timing est plus bon et que la blessure de Mitch vient contrarier ses plans. Donc non, il faut renforcer le banc. On en parle de ces rotations. Ah, le banc. Moi, le problème, c'est pas tant les rotations. 9 joueurs, pourquoi pas. Même si sur la longueur de la saison, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, ce qui me pose problème, c'est que le banc n'est pas assez productif. Non. Il faut qu'on ait quelqu'un d'autre que IQ pour mettre des points en sortie de banc. C'est pas Derrick Rose qui va être utilisé, c'est pas Evan Fournier. Ils sont plus là pour faire les compléments quand il y a des blessures. Voilà, Evan, je pense qu'il va rester à New York, malheureusement. Ouais, jusqu'à juin. Dans une situation qui sera pas forcément à son avantage, hein, clairement, mais on ira lui faire coucou, on ira lui essayer de lui remonter le moral quand on va aller au Garden, mais en tout cas, voilà, j'ai du mal à le voir partir. Sans rancune, non, y a pas, c'est différent. Le sans rancune, je l'ai lâché pour Joachim. C'était vraiment rien à voir en termes de situation et de côté. Oui, je sais, pour professionnalisme, on va dire, des vannes. C'est pour déconner. Mais voilà, toi-même tu sais. Bon, même si ces derniers temps, il applaudissait moins sur les trucs. Hein. Oui, il y a eu un mini drama sur Twitter avec le compte. Il y avait moins d'engouement, quoi. Il n'a pas explosé de joie sur le dunk de RG pour égaliser, typiquement. Est-ce que t'as vu aussi les images de cette nuit là? Ils ont fait un focus à un moment donné, donc t'avais un call d'un arbitre, et donc il parle au micro, et en fait derrière, donc il y en a qui sont allés voir, et en fait tu vois Evan et Julius qui sont en train de se parler. Il y a une mini embrouille. Bon, ça fait monter les dramas, mais ça c'est normal, les mecs sont en train de perdre. Evan, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton trade? Non, mais voilà, il y avait de la tension sur ce match et on peut comprendre. Bref, tout ça pour dire que non, pas faut pas s'attendre à des mouvements de fou sur cette trade deadline. Non. Au mieux, on arrive à renforcer un peu avec un vétéran, ce banc. Des OG Anunoubi, tout ça, c'est bien, c'est beau. Je doute que les Knicks se dépouillent en termes d'assets ou de joueurs à la trade deadline. Parce que là, Obi, c'est quand même dommage là, de ne pas le faire jouer. Là, parce que tu vois, on en discutait la dernière fois. On en fait quoi d'Obi cet été? Enfin, si tu le fais partir, tu n'as plus du tout de backup au poste 4. Ouais, c'est pas le peu de temps qu'il a derrière Rodjulus qui fait que. Moi, je sais que. Ou alors, si tu le fais partir, il faudrait y trouver une compensation pour avoir un backup. Après, moi, il y a des joueurs. Après, moi, il y a des joueurs que j'aimais bien. Que j'avais un petit peu ciblé, mais dans le réaliste ou le moyennement réaliste. En moyennement réaliste, il y avait un mec qui pourrait très bien faire un beau backup pour notre ami Julius. C'était Larry Nance Jr. Carmelo Anthony. Non. Ah non. Larry Nance Jr., j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui pourrait vraiment être dans l'esprit new-yorkais. Il se bagarre. Il a quand même un sens du jeu. Au Pelicans. Ouais, il est au Pelicans, qui marche bien, et puis il a un rôle en sortie de banque qui marche bien. Donc c'est un peu... Non, mais réaliste. Et après, il y a donc, l'autre joueur aussi que j'aime bien, donc c'est Slow-Mo de Minnesota. Tout le monde l'appelle Slow-Mo, mais c'est... Son nom. Sota, Mince, oui, du coup, tu me mets un doute sur son nom, mais en tout cas, oui, Kyle Anderson. Kyle Anderson, encore un jeune talent gâché par les Spurs. Et Kyle Anderson, je trouve que, voilà, il est un peu dans le même esprit qu'un Reggie Bullock. C'est un mec qui est un peu plus lourd, même. Il amène de la défense, il amène du 3. Il est tout en smooth, quoi, tu vois. Mais je trouve que ça pourrait être un mec qu'on pourrait aller chercher, pourquoi pas, du côté de Minnesota. Ils sont en galère, ils sont en difficulté. Et comme Reddish, c'est clinquant, quoi. Donc, pourquoi pas. Mais après, je sais plus, ouais, OG, mais ça va être trop cher. Enfin, je sais qu'il y avait ces deux joueurs-là pour le secteur, parce que moi, je pense qu'il faut viser un 3-4 pour faire une rotation viable. Et voilà, j'avais vu ces deux mecs-là. Donc, je vais appeler immédiatement Léon, je vais lui envoyer un mémo. Et je vais lui soumettre les noms, quoi. Eh bien, on fait comme ça, et puis on revoit ça ensemble lundi prochain pour savoir si, oui ou non, Léo a reçu le mémo, si oui ou non, il y a un move. Peut-être que le move va arriver avant, et pourquoi pas rester à l'affût sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche, parce que s'il y a quelque chose, on essaiera d'être actif. Et le petit like, forcément, mais la cloche, s'abonner pour ne rien louper des prochaines sorties de KNFTV. Voilà, sur ce, c'est une belle émission. Et ça nous fait plaisir de voir qu'on a lâché un petit pouce. Ça veut dire que l'émission vous a plu, quoi. Voilà. On vous remercie en tout cas pour regarder tout ça, pour nous avoir écouté sur nos bêtises. Et puis on vous donne rendez-vous lundi prochain pour au même endroit, même heure, pour débriefer la semaine qui se sera passée de 3 matchs. Hein. Donc on verra si les pronos étaient justes, s'il y a eu du mouvement ou pas, si les joueurs sont venus de blessure, s'il y a eu d'autres blessés. Bref, on débriefera tout ça ensemble. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à vous, les Knickers fans. Et puis, rendez-vous lundi sur KNFTV. Ciao, ciao. Bonne semaine à tous. Let's go, Knicks.